μουλό το καπάκι δημόσιο με. Σε ίσο αγούδι αδεκάλι σου τεμόνι. Σε ίσο ανέξω τα δεκ νεκλε σουί. Μαλίς μου απός μουκί αδεκ μουκί. Μουκί μου απός μαλίς αδεκ μαλίς. Ω του που λέλε εντελό λέει εντελό. Μαλίς αδεκ μουκί με λέει του που. Mon copain Bouguidil, je suis, je sais. Mon copain Malice, il va promasser. Mon copain Bouguidil, je suis, je sais. Mon copain Malice, il va promasser. Gadeo, babra baseo. chanro, la gonne chanra. Mais la mitame, mais ça, mais ça, dans 29 cerveaux, va fouler. Mais la mitame, mais ça, vous qui dit 40 chants, 40 chants, 40 chants, 40 chants, 40 chants, 40 chants, 40 chants, 40 chants, 40 chants, 40 chants, 40 Les habitants façons, les habitants façons, les habitants façons, les habitants façons, les habitants façons, ah non non non non non non non non non non non non non non Thank you.